suis un fou, je suis un fou. Petit voyou, petit voyou. Les gens disent que je suis cinglé, mais j'ai le cerveau déréglé. Des fois je parle en français, ils ont l'impression que c'est de l'anglais d'emblée. Classé dans la catégorie des tarés, paré à défier des gorilles, je suis déclaré ouf, juste parce que je viens déblatérer. J'ouvre, ma gueule était atterrée. Mais si t'y prêtais plus intérêt, tu verrais que ta vision de la vie en serait altérée. On est mal barré dans un monde aux couleurs de coca et Malboro. Même bourré, je te laisserai jamais dire que c'est moi le bourreau. Je ferai pas de mal à une mouche, sauf si elle m'empêche de manger. Je ferai pas de mal à une moche, même si des fois ça m'a démangé. Les gens disent que je suis dérangé, mais peut-être ça les arrange. Pour eux je suis un danger, de la même manière qu'ils aiment pas les étrangers. Ça les vénère parce qu'ils savent pas dans quel état j'ai à me ranger. Je suis juste un petit con qui vit sa vie et se laisse aller. Et quand vient l'addition, tant pis si elle est salée. On est habitué, c'est toujours cher pour ce que c'est là où on habitait. On paierait cher pour se casser, y'a qu'à voir l'argent qu'on met tous les soirs pour être fracassé. J'ai le poumon encrassé, mais je t'avoue qu'il y a des trucs plus graves à me fracasser. Les gens disent que je suis défoncé, mais j'ai été net quand j'ai écrit ce texte qui défend ces valeurs auxquelles je crois et qui sera difficile d'effacer. Eh ouais. N'approche pas de moi, je suis un fou. Et comme beaucoup de fous, je dis des choses qui sont pas folles du tout. Donc tant pis pour toi si tu crois que je suis un fou. T'auras entendu des choses, mais t'auras rien compris du tout. N'approche pas de moi, je suis un fou. Et comme beaucoup de fous, je dis des choses qui sont pas folles du tout. Donc tant pis pour toi si tu crois que je suis un fou. T'auras entendu des choses, mais t'auras rien compris du tout. Ouais, c'est me cas. Le baiser, le gueudin, le malade, le béchetard de la teuté. Pareil, pour les bâtards d'à côté. De toute façon pour moi c'est le taré que j'en ai à péter. Eh oui. Tu voyou gars. J'suis le numéro 1 sur tes MK, dans ton MP3. Parce que j'me plie en 4, j'me reçois 5 sur 5. Si c'est un exercice, une nouvelle recette. J'attendais la bise, j'te ramène du bleu. Y'a aucun indice, j'me promets en zone. À part d'être ce tout, je fume pour éviter le stress. Ça te fait chier, c'est toi. Tiens, v'là 1,15€ de quoi m'acheter une 16. C'est pour les jours de visette, comme pour les jours de fête où on bouffe 18. Que j'te sors un 19, tout pour être heureux, j'espère que c'est pas 20. S'il y avait pas des mecs comme moi, faudrait en un 21. J'suis né dans le 22, j'suis chômeur en 23. Mais j'm'en bats les 24 sur 24. Sur ma vie, j'passe un coup de balai parce qu'aujourd'hui j'en ai 25.